Chaya, chaya. Ma pa te anvi pale, me yi twa ta. Chaya, chaya. Petet ke mon fè ou la pen, me ma anvi pale, ba ou chéri. An ti pa wal ma fweye ba ou. Rete du gout pou nou pale, koute mwen. Koute sa mwen ni pou di ou la, avay tro ta di mwen. Demen se ta ou, e se ta mwen. Pita nou ke vie, fou nou a travesse ou. Pou nou rakonte, pou man nou te ye. Pitit nou ke sav, ke yo pe chanje sa ou. Yeah.